Audiomatique. Amorcer la transmission 5-8-8 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la collaboration entre les artistes québécois Patrick Watson et Claude Pelgag qui nous interprétaient la chanson « Amis imaginaires ». Cette pièce est extraite de l'album « E.O. » de Patrick Watson, paru le 26 septembre 2025. Et c'est sur la musique de la chanteuse d'origine iranienne Azam Ali que se poursuit Audiomatique. restless nights beneath the there's nowhere to go for you. shoot, yeah, totally shoot, Dora. She's such a clever girl, and she's gonna be famous, or rather infamous. She dated a squirrel, had a drink with a squid. She's such a character, a Disney character. Critical culture. Audiomatic, nous venons d'écouter la musique de l'artiste péruvienne Daphne Castañeda et sa composition Frio 2020 tirée de son mini-album Postguerra qui est paru en 2020. Avant cela, c'était la formation hongroise Black Nail Cabaret and Friends qui est en fait les deux membres du duo électronique Black Nail Cabaret qui se sont adjoints d'un guitariste, d'un batteur et d'un saxophoniste pour créer l'album Woodland Memoirs et donner une teinte plus organique à une sélection de leurs compositions. Donc, de ce regroupement, nous avons entendu la version alternative de la pièce de Critical Cult of Dora, originalement publiée sur l'album Harry Me, Marry Me, Bury Me, Bite Me, paru en 2015. Quant à l'album Woodland Memoirs, duquel nous avons entendu la version alternative de la pièce de Critical Cult of Dora, il est paru en 2023. Et pour amorcer la séquence, nous avons écouté la pièce Nothing But Time, composée par l'artiste Azam Ali, et qu'on peut retrouver sur son plus récent album Synesthesia. Audiomatic se poursuit maintenant avec la formation anglaise Ladytron. Hit you like a freight train, but you're hard. discard the tissue soft like membrane and folds apart. The sweet stuck in your teeth, who is you or me? I'm tasting, I can tell between the good, the bad, the best you ever had on life. The bitter doesn't make you sad. The tears are running down in teams, oh I do believe. I licked them from your cheeks, I'll pull you up the stream. Carry crucifix in country just to hear you scream, scream and set you free. Nous avions droit à Audiomatic au groupe irlandais Sprints de son deuxième album All That Is Over, paru en 2025. Nous vous avons présenté la chanson Desire. Précédemment à Sprints, nous avions droit à l'artiste française Jeanne Haddad et sa chanson Song 1-2, extraite de son deuxième album Radiate, lancé en 2018. Et en amorce de séquence, il s'agissait de la formation anglaise Ladytron, de son cinquième album studio Gravity the Seducer, sorti en 2011, nous entendions la pièce White Gold. Audiomatic se poursuit maintenant avec une pièce de la formation Cannes. Thank you. Thank you. allá del gran portón. Yo salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. Estoy fugitivo de alcanzar. Audiomatique, nous venons d'entendre le groupe Los Psychos et leur pièce Fugitivo de Alcatraz, composée en 1965. Outre sur le Cepus qui porte le même titre que la pièce, on peut retrouver celle-ci sur la compilation Demolición, las grabaciones completas. Avant Los Psychos, on écoutait le groupe uruguayen Totem et sa composition El Tabano, tirée du premier album homonyme paru en 1971. Et pour amorcer la séquence, on écoutait la formation Cannes et la pièce Millionenspiel, composée en 1970 pour le film allemand Das Millionenspiel. On peut retrouver cette pièce sur l'anthologie de Cannes intitulée The Lost Tapes. En conclusion de cette transmission 5-8-8 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre le duo mexicain Laurel Meets the Obsolete. De son album Corporal, qui a été lancé en 2025, nous écouterons la pièce Cœur. La transmission 5-8-9 sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h, avant d'être rendue accessible sans contraintes spatio-temporelles parmi les archives numériques d'Audiomatique, dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Laurel Meets the Obsolete avec la pièce Cœur. C'était Audiomatique avec les sonoristes.